Ouf, tchou, tchou. Kishasa, Brazzaville, Libreville, Cameroune, Lagos, America, et Paris, la France, Chuba. Sans oublier Belgique, Irak, Chicago, Somalia, Afrique, décide. Wanchu, hey, tout le monde est sympa. Tobi nana biso, biso bana kishasa, tobi nana biso. Wanchu, hey. On signale la présence de tout le monde. On signale la présence de DJ David. Dans la place, c'est sympa, sympa. Ça c'est pour mon oreille, ça c'est pour vous. Alsace, Strasbourg, Chuba, hey. Africa, 100% Blick Black. Chuku, chuku, chuku. Seigneur, la présence de tout le monde, les arts déco, ça c'est pour vous, art 3. Giselle, Giselle, Giselle. Freddy Yombo, Pentium 10, Chuba, Mannequin. Pachi Chindele, Wanchi. Big dédicace. On signale la présence de Patu Chindele parmi nous. Sympa, sympa. Hey, Wanchu. Kishasa. Hey, ça c'est pour vous. Ça c'est pour les gens qui sont présents. C'est pour Kishasa. C'est pour tout le monde. C'est les new langues. On dit c'est les new langues. Chez nous on dit Mbote. Ici on dit bonjour. Là-bas on dit Nangana. Is God for you. Chuba. Mbote na yo. Mbote. Comment tu t'appelles? Mbote na yo. Bonjour. Eh. Hey. Is that possible? Vas-y, ben yo son. One, two. Tiki Mogroso, Simba du Congo, Younes Ali Baba, les poumons des arts déco. Cette fois-ci, il joue dans ses pieds. Younes Ali Baba, dans le pied. Chuba. Mannequin, mannequin, mannequin. Mobale Atalo, Freddy Mutombo. Eviedo. Refiga. Hey, ma maman. Mbote na bino, mbote. Toka ni sabino, mbote. Mbote na bino, mbote. Toka ni sabino, mbote. Na pesi bino, bonjour. Na pesi bino, bonsoir. Na pesi bino, gondiya. Na pesi bino, bonjour. Mbote, mbote na yo, mbote. Chuba, chuba, mbote, mbote na yo, mbote. Mwana Europa, mbote, mbote na yo, mbote. America, mbote, mbote na yo, mbote. Angola, mbote, mbote na yo, mbote. Bon dia, bonjour, et usgordi you, finunya. Wanchu, c'est Kachi Borne Simina Boré. Mais tu joues des bundes meilleurs. Evaporada, give him bench. And you, Toyoki Yango. Pesabi son beauté, Pesabi son beauté. Toboggi Yango, tu kek tchak. Tika Yango na te, Tika Yango na se. Aki mina mwao. Eh, mame, mame, mame, tu kuba luka, mame, mame, mame, tu kuba luka, mame, kebe na go. Ma, aka, kende kuna, kende kuna, kende kuna. Yiba, yiba, yiba, yiba, yiba, yiba, yiba, yiba, yiba, yiba, yiba, yiba, yiba, yiba, yiba, yiba, yiba, yiba, yiba, yiba, yiba, yiba, yiba, yiba, yiba, yiba, yiba, yiba, yiba, yiba, yiba, yiba, yiba, yiba, yiba, yiba, yiba, yiba, yiba, yiba, yiba, yiba, yiba, yiba, yiba, yiba, yiba, yiba, yiba, yiba, yiba, yiba, yiba, yiba, yiba, yiba, yiba, yiba, yiba, yiba, yiba, yiba, yiba, yiba, yiba, yiba, yiba, yiba, yiba, yiba, yiba, yiba, yiba, yiba, yiba, yiba, yiba, yiba, yiba, yiba, yiba, yiba, yiba, yiba, yiba, yiba, yiba, yiba, yiba, yiba, yiba, yiba, yiba, yiba, yiba, yiba, yiba, yiba, yiba, yiba, yiba, yiba, yiba,